vie de ma mère. J'pèse ces gros PD. On vise la fraîche. On est obsédé. J'veux ma paire de LV pour tous les énervés. J'me rappelle plus de mon ex, j'me rappelle de mon Yankee Hervé. J'vais te faire danser le mode zaza zinzin. Si j'péton, j'connais la SS. Et puis j'm'en fume au tagaz. Chez père, j'me fous de tes grosses fesses. Igo, la vie est belle, belle. Non, pas comme nous gueule, gueule. Alors j'donne pas de délai, délai. Rouleau de scotch pour pas que tu gueule, gueule. Onga, onga, si tu t'es souhaites sauvage. Pourquoi, pourquoi? Parce que chez moi, le cœur est froid depuis l'œsophage. On n'attend plus l'arrivage. On ira chercher en choupette. Arriba, arriba, ainsi font les petites savonnettes. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros. Tous les bénéfices sous le matelas. Zéro dans la chenuque de ma tam. J'emmène la misère en ballonne. Gros déterrant, c'est mon data. Un billet laisse ma danser. Dans son cul, dans mes pensées. Que du bon, j'ai pas de plan C. Y'a que la haine qui m'a apaisé. Pesé, pesé. Pas se faire lever avant de peser. Gala pour bâtard qui voudrait me baiser. Tu es LF, la famille va s'engraisser. J't'aime ni ton gamos ni ta pétasse. Soit je roté qu'on m'alias, mes Gucci du béton se lance. Je la baisse pas sur mon épaule qu'elle s'endort. On a rien et on en veut encore. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros.